feeling hard. Comment tu veux que je bois mon thé sans une petite cuillère? Oh my god. Greetings. Hey, Benji. Hey, ho. Mickey. C'est l'anniversaire de Mickey aujourd'hui. Tu vois, j'en avais moi aussi. Ceci. J'en avais moi aussi. Comment on va faire ça, t'en avais? Métronome. Yes. This is a nice one. Living fine, oh. funky song. Funky bitchin', are you funky tonight? tonight. Feeling funky, funky, funky, funky, funky. Want to make love with you, baby. Funky love tonight. Love me, baby. Metallica. Ah oui, je me rappelle du coup. Thank you. c'est pas moi. C'est monsieur Tom, je crois.

ganzen Land spiegeln, spiegeln alles der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Du bist es, aber es gibt noch viel schöner. No racism.